FCIC. Nous, on est fournisseur d'électricité, c'est-à-dire que aujourd'hui n'importe qui peut choisir Enerclock pour remplacer EDF chez lui. D'accord ? Donc ça, c'est notre métier. Nous, on se reconnaît dans la question de la transition parce qu'on est 100% renouvelable. On essaie de mettre en relation des producteurs et des consommateurs autour d'une énergie 100% renouvelable. Et en plus, on est une coopérative sans but lucratif. On réinvestit nos bénéfices dans la promotion et le développement des énergies renouvelables. Et on a un fonctionnement démocratique. Nos consommateurs peuvent faire partie de la coopérative et ont leur mot à dire. Ce qu'on peut apporter au mouvement de la transition localement ici, on a un peu des compétences, on a très peu de temps parce qu'on a un projet qui est assez dense et donc on travaille beaucoup. Par contre, on a une chargée de com, on a un peu des moyens éventuellement à apporter. Et nos besoins pour gagner du terrain et pour continuer à se développer, on a besoin d'avoir des nouveaux consommateurs. C'est facile de passer chez Enerclock. Faites-le, parlez-en autour de vous parce que plus on sera nombreux, plus on aura des moyens pour avancer et gagner du terrain sur cette question de la transition énergétique.